Quai. T'entends à liche. Ah ouais. Papa. On est là et large. Tu connais le SCH. Ok. Gère. Gère, gère. Gère ta monnaie si ton business se passe bien. Gère ta meuf si elle est attirée donc une catin. Elle aime l'argent, faut la lâcher avant qu'elle te pompe tout. Gère ton oseille, coffre-le si tu fais grave des sous. Braqueur, braqueuse, amateur de puissance forte. J'augmente le score, y'a tout le monde qui me supporte. Gère bien ta life, faut faire des économies. Gère bien tes assos, une pouca peut en cacher une autre. Le commissaire, enquête et enquête sur le trafic dans ta tessie. Gère bien tes yankees, faut que personne te voie dehors des ordres. Faut remettre de l'ordre, gère bien. En tout cas dans cette affaire y'a personne qui te soutient. Billet sale, euro blanc blanchi. Gère comme tu le sens, il ne fait pas de chichi. Voilà le rap français versus mes deux couilles. Ali je crois moi, y'a plein de rappeurs qui bafouillent. Gère ta monnaie. Gère ta monnaie. Gère ta carte. Gère ta carte. Gère ton budget. Gère mon projet. Gère ta vie, si elle en vaut pas le coup. Tire-toi une balle ou mets-toi sur un gros coup. Va t'acheter une Jax, de la conso et va chercher ta pute. Gère bien ta femme, faut pas qu'elle sache que tu la trompes. Tu veux être grossiste, ramène que de la qualité. Tu gères tes clients et ton bénéfice à volonté. Je fais du rap sale. Gère bien mes rimes, mon sang est mélangé de drogue coupée à la trine. Donc pas besoin de copie MC, t'y arriveras jamais. Gère mon blaze et t'arriveras à surmonter ta peur de me tester. Rien à foutre de percer, je rappe pour ne pas me voir galérer. Fuck toi PD, c'est la rue qui m'a influencé. Aucun rappeur ne m'a dirigé. C'est côté lumière qui m'a mal lancé. Gère bien mon rap, c'est un attentat non terminé. Gère ta monnaie. Gère ta monnaie. Gère ta carte. Gère ta carte. Gère ton budget. Gère mon projet. Gère. Le niveau est augmenté, la capacité à évoluer. Gérer tout par soi-même, ce qui te fait progresser. Mon street sorti, je m'attaque à mon album. Tu veux gérer ma carrière, mets ton argent sur la table. Si tu séquestres quelqu'un, surtout ne laisse aucune trace. Arrange-toi pour qu'aucune poucave te balance. La life est dure, donc mon rap sans le chien affamé. Les supporters le savent, je suis un enragé. Je représente les prisonniers, les types en GAV, les grossistes, les dealers et même les cocaïnés. T'es pas content, ma rue te rentre un doigt profond. Gère tes ennemis où ils te font passer pour un bouffon. Voilà tonton Ali sur une prod du frère créole Da Vinci prod. Gère. Bien Ali l'intestable. Gère ta monnaie. Gère ta monnaie. Gère ta carte. Gère ta carte. Gère ton budget. Gère mon projet. Gère ta monnaie. Gère ta monnaie. Gère ta carte. Gère ta carte. Gère ton budget. Gère mon projet. Gère. R-I-N-C-H.